De Claire Bretéché, adapté par Christelle Vianser. Deuxième épisode. Je voudrais que tu sois morte, les écailles hérissées. Bon alors, contact Agrippine. Mais il est où son numéro ? Agrippine, je voudrais que tu sois morte. C'est ce qu'elle a dit, j'ai parfaitement entendu. Si elle croit qu'il suffit de me planter là pour abandonner l'affaire, elle se met le doigt dans l'œil, jusqu'à l'aisselle. Bon, elle va décrocher ou non ? Allô ? Ah ! Agrippine ! Sache que mon récent check-up m'a valu les félicitations du professeur Matois Paplard de sa race. C'est énervant ces erreurs de dossier. Hein. Écoute-moi bien, tête de chiotte. Je kiffe trop pas ton temps. Écoute-moi bien, voleuse de boots. D'abord ta démarche de canard défoncé et pathétique. Ensuite, je t'en fume avec mon ton. Saloperie de boots. Comment ça m'a mis les orteils en choufle ? Et pour madame, ce sera... Hein? Ah, je vois. On a les chaussures neuves. Hein? Faut souffrir pour être belle. Oui, bah, c'est souffert pour aujourd'hui, j'en mets mes vieilles savates. C'est du serpent? Quoi donc? Les boots, c'est du serpent? Ah, c'est du tatou hérissé. Hérissé par quoi? On le terrorise avant de le massacrer. Il paraît que c'est plus joli. C'est atroce ce que vous racontez. Qu'est-ce que je vous sers? Une infusion de légumes oubliés et un triple martel rondelle avec une paille. Une infusion de légumes oubliés et un triple martel avec une paille. Bon. Allô, Geneviève, c'est moi. Ah, je suis dans un état. Tu peux pas savoir les chienneries que m'a sorti ma saloperie de progéniture. Non, madame, ça te fait pas mal. Ouvrez grand la bouche, grand. Voilà. Oui, là, c'est mon doigt. Allô? Allô? Bon, bah, elle a qu'à pas décrocher si elle peut pas répondre. Allô, Odile? Oui? Je te dérange? Ah. Écoute, je dois absolument te parler. Oui? Je suis dans un état. Tu peux pas imaginer ce que... Bon, ben, d'accord, mais rappelle-moi plus tard. Maintenant, je suis en train d'enterrer maman. Ah, qu'est-ce que tu me glapis là? T'as déjà enterré ta pauvre mère l'année dernière. T'es sûr? Bah, évidemment, j'en suis sûr, j'y étais. Bah alors, je suis où, là, à ton avis? À l'oreille, comme ça, je dirais sur un manège. Ah, oh, t'as peut-être raison. C'est pour ça que ça tourne. Bon, je te laisse. Surtout, descends pas en route, tu serais capable de viander le fémur. Hein? Alors, l'infusion de madame... Merci. Ouais, j'y crois pas, mes problèmes, tout le monde s'en bat sa race. Ça vous fera 12,30€. Ah oui, c'est pas cher. Bergère, tu vas décrocher, bordel de mes deux. Qu'est-ce que tu fous? Et t'es en palais sur silencieux ou quoi? C'est pas vrai. Ah, Bergère, c'est moi. Tu peux pas savoir ce que cette vieille chienne verte vient de me faire. Tu sais que je t'avais déjà dit que... T'en fous le contrôle tantrique, bordel. Qu'est-ce que tu me baves? Non. On dirait qu'il y a la bouche pleine de malabar. Si tu veux savoir le malabar, je l'ai pas seulement dans la bouche. Faut que je fasse un dessin. Mais c'est la pitié. Comment personne s'intéresse à ce qui m'arrive? Bruxelles, bientôt une capitale. Oh, Rachida Dati, qui est le père? Moi, je sais. Grippe aviaire. Allô? Allô? Allô, ma chérie, c'est ta mère qui te dérange comme d'habitude. Ben, disons que je suis en pleine visioconférence avec les ministres du budget de l'Union européenne. Et alors, ils sont pressés? Donne-leur donc des bonbons pour patienter. Je dois te signaler le comportement inadmissible de ta garce de fille. Agrippine? Pourquoi, t'en as une autre? Si c'est le cas, je voudrais bien être informé. Parce que perso, l'Agrippine en un seul exemplaire, moi ça me suffit. J'ai pas trop envie de taper du duplicata, si tu vois ce que je veux dire. Elle m'a mise dans un état. Quoi qu'il arrive, maman, tu es toujours dans un état. Allons, dépêchons, le ministre slovène va s'énerver. Bon, ça va, j'ai compris. Une fois de plus, je tombe mal. Tous les ministres du monde valent mieux que ta propre mère. Ils méritent toute ton attention. Alors que moi, disons-le carrément, je suis trop. J'encombre, je dénote, je fais tâche. Je suis un grumeau dans la crème onctuée de ton quotidien. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Je suppose que toi aussi, tu voudrais me voir morte. C'est quoi maintenant ce délire? Ouais, c'est un peu facile de dire que je délire. Je sais très bien ce que tu penses. Mais je pense rien. Ben, tu ferais peut-être mieux. Maman, quel antidépresseur manges-tu ces jours-ci? Je mange du Rigoloft. Zéro. Nul. Caca. Une vraie daube. Mais enfin, demande à ton psychiatre d'en changer. Impossible. Les effets indésirables me font trop de bien. C'est pas chez toi que ça vient de sonner? Ben, si. Tu vas pas ouvrir? Je suis au téléphone, au cas où tu l'auras pas remarqué. Va ouvrir. Mais y a pas le feu, c'est vrai, quoi. Ça se saurait. Va ouvrir. On se rappellera après. Moi, tu veux que je réponde à l'interphone alors que j'ai déjà le téléphone sur l'oreille? Maman, tu es de mauvaise foi. Tu crois que je ne le vois pas, que tu essaies de te débarrasser de moi? Comme ça, tu pourras aller bichonner tes petits ministres du budget de mes fesses. Fille indigne. Oh. Alors, quel article j'étais en train de lire déjà? Ah oui. Alors, de l'impact d'une éventuelle grippe aviaire sur la consommation bovine. Oh, moi c'est décidé, je vais les parler. C'est qui? Déclinez votre identité, j'ai pas compris dans l'interphone. C'est Jean-Mi, maman, ouvre. Oh, mon fils. Ton code a changé, maman. Ça fait 1 an, 8 mois et 12 jours que t'es pas venu me voir, mon petit Jean-Million. Alors forcément, les codes changent. Hein. Ne m'appelle pas Jean-Million. Je t'appelle Jean-Million parce que c'est ton nom. Je te l'ai donné pour te porter chance en argent dans la vie. Ouais, bah ça a foiré, alors cesse de m'appeler Jean-Million. Putain, t'as encore changé de coiffure. Tu crois? Ah ouais, t'as plus la même tête. T'as encore changé de coiffure. T'as raison, ça doit être la coiffure. Tu aimes? Une femme doit se maintenir au top, et crois-moi, c'est du taf. Tu la trouves comment, la couleur? Carotte. Hein? C'est pas carotte, c'est orange givré. Pas mal. C'est assorti à ta tenue d'aviateur. C'est une combi pantalon, c'est le dernier cri. J'ai le même maître coloriste qu'Adriana Carombeu. Elle, c'est une fille adorable. Je sais. Je l'ai pas mal connue à une époque. Mmh. Je l'ai bien connue. Oui. Très bien. Très, très bien. Oui, ça va, ça va. Raymond, viens, quoi? Je dirais même pas mal. Toi, t'as pas changé de coiffure, hein, toujours ta queue de cheval. Bah oui, j'aime bien la queue de cheval. Ça fait artiste, ça fait télévision, surtout avec le blazer saumon. Il est pas saumon, il est mou. Elles sont assorties à quoi, tes chaussettes? Elles sont violettes. Ouais, je vois bien. Elles sont assorties à quoi? À mes verres de lunettes. La classe. Et toi, ton petit ventre, il est assorti à quoi, hein? Allez, assieds-toi. J'ai toujours ta bière anglaise favorite au fridge. Dis donc, elle est plus échalote qu'avant, cette bière. Alors, Jean-Million, ça se passe bien à la télé? M'appelle pas Jean-Million. À la télé, c'est que du bonheur. À condition de se battre contre la pensée unique et les paramètres formatés, parce que de ce côté-là, on est dans l'ubris. Rien à foutre, j'irai jusqu'au bout. Quel bout? Si t'es pas bankable aux yeux des veaux audimateux, on te file un sujet de tuyauterie. Genre, on se doute bien qu'on va pas le diffuser, mais on sait jamais, dans 6 mois, au journal de 5h du mat, il nous manquera peut-être un sujet. Et là, on pourra le fourguer, ça nous bouchera un trou. Et là, permets-moi de te dire, t'as mal à ta créa. Grave. Et encore, je te parle que de la partie émergée de l'iceberg. Ils disent qu'il n'y en a plus, des icebergs. Alors, faut remettre les pendules à l'heure. Oh, j'ai une idée, Jean-Million. Oh. Il faudrait que t'aies une idée qui déchire. Une idée? Tu rigoles ou quoi? Y a pas photo, j'en ai 10 000 qui déchireraient leur mère des idées. Et m'appelle pas Jean-Million. T'as quoi comme idée? Si j'avais pas des idées avec un vécu aussi hard que le mien, je serais mal. Quel vécu? T'as toujours eu le cul dans le beurre. Qui? Moi? Ouais, toi! Moi, le cul dans le beurre! Oui, le cul dans le beurre! Alors que mon aïeul à la 4e génération a été ramoneur à 10 ans? Ah bon? Je sais pas si tu saisis toute l'horreur de la situation, la misère. La violence au quotidien? Alors, quand t'es descendant d'un ramoneur de 10 ans, comment fais-tu pour vivre avec les traces mnésiques de cette souffrance, si t'as aucune possibilité de les exprimer? Oh, dis donc, ça me fait penser, il faut que je me fasse ramener, moi. Non, c'est pour les idées qui me manquent. Combien tu veux? Tu crois toujours que je viens pour te dépouiller, maman, soudain vulgaire. 3 000 euros, ça va? Bouge pas, je vais te faire un chèque. Je suis interdit bancaire, t'as pas de cash? Je sais pas ce que j'ai en liquide, regarde dans mon sac. J'ai déjà regardé pendant que t'étais à la cuisine. T'as que dalle dans ton porte-monnaie des clopinettes. Dans le temps, tu planquais des bifetons dans le troisième tiroir de la table de nuit. J'ai arrêté, les femmes de ménage me les piquaient. Comment elles faisaient? Il était fermé à clé. Et la clé se trouvait dans le quatrième tiroir de ta commode Louis XIII, sous les culottes. Comment tu le sais? T'as dû me le dire, j'imagine. Bon, c'est pas grave, c'est pas un rond. J'allais taper la famille. La famille? Ah oui, je vais... Ah, ne me parle pas de ce nid de salope. Ta nièce devient un vrai monstre, elle m'a mise dans un état. Qui? L'adorable Agrippine? Sache, Jean Million, que l'adorable Agrippine, puisque c'est ainsi que tu la nommes, m'a dit qu'elle souhaitait me voir morte. Oh. T'as bien entendu, Jean Million? Appelle-moi Solange, maman, ça fera l'affaire. Non, dégage, mon tatou doré. C'est pas que je m'ennuie, mais j'ai affaire. Voilà. Attends. Quoi? La gamine t'a vraiment dit « je souhaite te voir morte » ? Mais oui, en propre terme. Sérieux? Mais puisque je te le dis. « Souhaite te voir morte » ? Ça, ça envoie du pâté. Y a pas à dire, ça envoie du poté. Maman, t'es où, maman? T'as un boucan dans ta barque, maman. Ils sont dans le salon. Tous les deux? Si. Ils sont tous les deux dans le salon. Je le sais, c'est terrible. Qu'est-ce qui leur arrive, maman? Papa? Maman? Quoi ça? Et pourquoi vous têtez l'apéro? Pourquoi vous n'êtes pas dans vos terriers respectifs à faire mine de taffé? Puis c'est quoi ces ululements de patates défoncées? Calasse la maman morte. Maman! Hé, hey, maman! Maman, tu sais les boots de chez Shoes là, hein? Non mais tu sais, t'en souviens? Tu te souviens, maman? Les boots que ta mère avait promis de m'acheter pour mon anniversaire. Tu sais ce qu'elle a fait ta mère? Au lieu de me les offrir, hein? Silence. Tu sais, maman! Ouais, mais maman, ta mère, elle... Silence. Dis donc, candidat, là, qu'est-ce qu'ils ont, les darons? Ils ont l'air complètement perchés. Mais toi d'abord, toi qui as tout pour être heureuse, pourquoi tu fais cette fraise? Je n'ai pas aucune fraise. Mais si, tu fais une fraise, me raconte pas d'histoire. Putain, comment j'ai trop la fatigue en fleurs dans ce repère de ouf. Moi, je sais ce qu'ils ont. Qu'est-ce que tu sais, toi, le surdoué? Je sais ce qu'ils ont. Commence pas à me la jouer frangin supérieur, sinon je t'en mets une. Qu'est-ce que tu sais? Ce qu'ils ont. Bah alors crache-le. Non, j'ai pas envie. C'est une torgnole toute chaude que t'as envie. Tiens, dis-le ce qu'ils ont, pauvre crevard, sinon je t'en mets une. Agrippine, ne la crache pas. Il est en stress à cause des traumatismes. Et en plus, il me chou mon serre-tête de Chexy. Non, mais je rêve, mais c'est quoi ce délire-là? Collez-moi. Regardez avec mon serre-tête dans les cheveux. Mais il tourne à la folle, le pygmé. Mais toi-même, il est à moi. Ok, je l'ai trouvé dans ma caisse de Playmobil. Il est à moi. Il y a une ambiance épouvantable chez les patrons. Il me demande ce qu'il y avait de venir. Je suis désespérée. Des gens si convenables qui déclarent au moins la moitié de mes heures. Jamais j'ai des problèmes de vacances. Les doubles mois, une prime par-ci, par-là, un petit cadeau pour mon anniversaire. Mon Dieu, quand je vois tous ces repassages qui m'attendent, je n'ai plus le courage. Parce que, tu comprends, avec la nouvelle situation, j'ai peur qu'ils me licencient. Oh, je sens qu'il y a besoin d'un petit remontant. Heureusement, il y a toujours ma petite bouteille de Porto dans ma panière à linge. Oh, mon Dieu. J'ai pas du tout envie d'être licencié, retourner au prud'homme. Déjà, j'ai pleuré. Et puis, j'ai mes habitudes ici. Si je dois chercher un autre employeur, j'ai mis tout. Ah, vous êtes là, candidat, je vous cherchais. Il y a des rappels. Non, vous ne dérangez pas. Oh, je vous jure que ça n'est pas dans mes habitudes. Voyons, candidat, vous avez bien le droit de passer un petit coup de fil. C'est pas la peine de vous cacher dans la buanderie. Je voulais juste vous dire un mot. Oh, c'est quoi ce que vous buvez? Ah, du Porto. Bah, remarquez, j'aurais dû m'en douter. La nostalgie du pays. Je peux goûter? Oh, je vous en prie. Oui, je voulais vous demander... Vous pouvez rester une heure de plus, Thomas? Oh, bien sûr. Les enfants, nous avons quelque chose à vous dire. Agrippine, pose ce portable. Oui, mon ange, pose ce portable, juste une minute. Bergère ? Bergère, faut que je te laisse. Je sais, mais il y a pression, là, faut que je te laisse. Et toi, Biron, pose ta Nintendo. Je peux pas, je vais perdre une vie. Je te rappelle. Bah, après le dîner. Dans 3 minutes, ils ont dit. Biron ! Ok, à toutes. Voilà. Votre mère et moi, nous nous séparons. Qui ça ? Qui c'est qui se sépare ? Toi et Papoute, maman, ou toi et maman, papa, ou c'est les quatre qui se séparent de vous deux? C'est ça, mon ange. Tu entends, Biron? Et pose ce truc à la fin. Hey, c'est malin, là, tu l'as fait tomber sous la table. As-tu entendu ce qu'on vient de dire? Chaque fois que je perds une vie, faut que je recommence tout à zéro. Mais pourquoi? Pourquoi vous vous séparez? Vous vous engueulez jamais, d'ailleurs vous vous parlez jamais non plus, enfin je veux dire, c'est tranquille, vous allez tout compliquer. Pourquoi vous vous séparez? C'est pour le cul. Biron! Qu'est-ce qu'il a dit? Ils se font du pied sous la table. C'est pour le cul. Biron! Tu parles pas comme ça au daron, compris? Ça, je voulais dire, c'est pour bouillave. C'est pour brosser les paillassons. Ou c'est pour faire les foins. Non? Alors comment on dit? Et le tact, tu connais? Ah ouais, pour faire le tact. Ça, c'est trop de la balle. Je me demande d'où il sort des expressions aussi vulgaires. Moi, tu sais, c'est pas les expressions vulgaires qui manquent de par le monde. Il y a le choix, il suffit d'ouvrir ses oreilles. Puis pour peu que tu t'avises de zioter sur Internet, alors là, je te dis pas comment que tu te régales. C'est un vrai marché de la langue pourrie. Ne me dites pas que Biron surfe sur Internet. Avec la classe, on fait un blog d'amour courtois. C'est pour ça. J'ai appris des trucs. Et puis la prof nous aide. C'est cool. Bon, après cette discussion constructive, puis-je demander à l'Assemblée pourquoi mon fils porte une robe? Personne ne va te laisser. C'est rien, papa, c'est juste qu'il est un peu transsexuel en ce moment. Allô? Même pas vrai. Un peu transsexuel. Allô, c'est toi? Rassure-moi, juste un peu. C'est celui qui le dit qu'il est. Oui, bah tu vas m'enlever cette robe, hein, et plus vite que ça. Mais je peux pas, j'ai de la poudre, papa. Tu vas te la... Eh ben, enlève aussi la poudre, s'il te plaît. Et puis si jamais t'as un porte-jartel, tu me feras le plaisir de l'enlever également. Dis donc, quand tes Biman ont divorcé, ça a fait quoi? À deux morts, quand même. Bah ici, au clapier, tout le monde devient ouf. Allô? Allô? Non, bah, y a le téléphone qui a glissé, je tiens du pied gauche, j'ai pas l'habitude. Bah parce que du pied droit, je fume. Bah je peux pas, je feuillette un magazine et de l'autre main, je me maquille. Ouais, t'as raison, ouais. Je peux pas tout faire. Qu'est-ce que je te disais? Ah ouais. Non mais ici, tout le monde devient ouf, là. Sauf moi. Non, bah moi ça va. Normal, quoi. C'est Agrippine qui prend sa douche. Faut croire. Tu penses qu'elle en a pour longtemps? Ça dépend. De quoi? Ça dépend des jours. Ah. Et tu crois que ça nous laisserait le temps de... De quoi? Devine. Trop tard. Pourquoi? Elle a fini. Bah, comment tu le sais? On entend plus couler la douche. Oh, non. Mais... Oh. Non. Ah. Vous divorcez, vous êtes tout le temps collés, ça fait pas sens. Tu comprends, ma fille, ça détend tellement d'en avoir fini avec le conjugo. Ah, ça c'est vrai, bien. Avec le conjugo, c'est qui celui-là? Tu me jettes tout. Ah bah, j'espère bien, ouais. Ah, c'est dégoûtant. Oh non. En plus, ça me dérange parce que je dois parler à Datpout seul à seul. C'est qui, Datpout? Je crois que c'est moi. Très bien, je me mets à l'écart, je m'éloigne, je m'adosse au mur, juste là, j'écoute pas. Jean-le. Regarde, je m'enfonce les index dans les oreilles, j'entends rien. Alors voilà, Poute, si jamais tu te gaufres une morue comme font les vioques, les matures qui se cassent de chez eux. Les quoi? De qui tu parles, là? Ouais, on les connaît, les bestiaux qui courent après leur libidouille. Voyons, Agrippine, je cours pas après... Tu m'as traité de quoi, là? Me le prends pas mal, poute, c'est pour rire. Mais tu vois, ta nouvelle, faut qu'elle soit ok pour moi, sinon ce sera du cachemire pour personne. Mais mon canard doré, je t'assure, j'ai pas la moindre intention de... Il me la faut pas trop belle, pas trop moche, pas trop jeune, pas trop vieille, pas trop riche, pas trop pauvre. Mais enfin, puisque je te dis que... Pas de niard, évidemment, manquerait plus que je me bousille le quotidien avec des pygmées que je sais même pas d'où ils sortent. Pas de parents, parce que du côté des mamies, c'est bon, j'ai mon compte. Pas de chien. Puisque je te dis qu'il n'en est pas question, bordel. Ah, j'ai une crampe. Oh là, je suis désolée, je peux plus tenir la position. Et surtout, surtout, poutre, écoute-moi, surtout, ne va pas taper dans mes copines. Oh. Parce que alors là, non, alors là... Ah, bonjour la douleur. Voilà, ce serait l'hypocalypse. Ou l'apothénuse, au choix. Agrippine, tu m'as fatiguée, là. Je vais lire mon journal. Agrippine, tu as conscience que tu es toute nue au milieu du couloir? Je suis pas toute nue, j'ai une serviette. Oui, sous les fesses. Dis donc, maman, c'est comme ça que tu te vautres sur le mur avec les orteils dans les oreilles? Les index dans les oreilles? Hein? Bah dis-le. Dis-le, t'as tout écouté. Ma fille, j'ai attrapé une crampe. Ton sketch était trop long. Chérie, tu m'écoutes? Chérie! Quoi? Le mieux, tu sais, ce serait qu'Agrippine assure elle-même le casting. Ah ça enverrait du pâté, hein, papa? Et puis, toi, maman, va falloir que tu emballes un vieux. Comment? Bah oui, quoi, tu vas pas continuer à te repoudrer le nez à longueur de journée juste pour les beaux yeux de ton présent futur ex qui s'emballe et qui lit son journal au salon pendant que je vais lui caster une donzelle à mon goût. Maman, voyons, à ton âge, t'as encore le droit d'avoir une vie sexuelle, hein? Enfin, je crois. Donc, il te faut un vieux. Pourquoi un vieux, tu peux me dire? Ah, bien sûr, tu fais ce que tu veux, hein, moi ça me regarde pas. Hein. Mais faut pas que ton vieux habite chez nous, ni qu'il entre dans ma chambre, ni qu'il s'occupe de mes notes. Ni qu'il ait de l'arthrose à l'annexe platinum. Il n'y aura pas de vieux. Bon, si jamais il a un ou deux petits-fils, ça me dérange pas à condition qu'il soit sexy. Je prendrais un jeune. Un jeune? Parfaitement. Et maintenant, mets ta culotte et cesse de nous scier les trompes avec tes avis. Ben voilà, alors on essaie d'aider et au lieu de vous remercier... Mais elle est où ma culotte? Oh, en fait, j'avais oublié, Agrippine. Surtout, pas un mot de notre séparation à ta grand-mère, ça la mettrait encore dans un état. What the fuck? Parce que tu t'imagines que je reparlerai jamais à cette chienne à poil dur? Tu sais même pas ce qu'elle m'a fait? Ne parle pas de ma mère sur ce ton. D'ailleurs, je m'en bats le point G de ses boots, trop naze, vulgos, bonne pour niasse à lèvres en saucisse. Mais quand même, c'est pas une raison pour me trahir comme Fénelon. Ganelon. N'essaie pas de changer de sujet. Écoute, je comprends rien au film. En tout cas, tu mets sur pause et tu présentes des excuses à ta grand-mère. Je présente des quoi? Je manque d'air, j'apoplexite, je meurs. Des excuses! Bon, et maintenant, habille-toi. C'est fini, ouais. Il faut que nous parlions des modalités du divorce, quand même, quoi. Non. Ah oui, si, il faut que nous en parlions. Les excuses, putain, j'ai mal à la nausée tellement j'y crois pas. C'est comme ça que vous parlez des modalités du divorce? En vous roulant des pelles? Personne n'est allé chercher Biron à l'école. Personne n'est allé chercher Biron à l'école? Ma bien sûr que si. Y suis allée. Il est dans sa chambre. Biron! Oh, merci, candidat. Heureusement que vous êtes là. C'est qu'on devient parano avec toute cette histoire de pédophile. Ouais, bah là, il faudra qu'il y ait vraiment un goût de chiotte. Hein. Biron, mon bébé chéri. Approche un peu, que je te fasse un bisou. T'as passé une bonne journée? Je m'appelle Patata et je suis danseuse au Moulin Rouge. Fais gaffe avec ces escarpins, ils sont très hauts, tu vas tomber. Viens que je t'embrasse. Mais moi, j'ai du mal à marcher avec. Ça va, mon lapin? Ma biscotte, ouais, ça va. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi mon fils se balade avec des escarpins aux pieds et un soutien-gorge rose en bandoulière? Tous fous comme des lapins dans ce clapier. Allô? Ouais. Quoi? Pourquoi? Dame de ton! Je l'ai complètement oublié. Attends, moi, j'arrive. Oh les bigorneaux, je rentre pas ce soir, c'est le lancement du carrousel des sécrétions à l'hôtel de ville. Ça vous tente? Non. Ben voilà, on essaie d'aider au lieu de vous remercier. Donc c'est oui, ben. Oui, ben c'est le deuxième épisode, je crois. Ouais, c'est ça, d'Agrippine. Deuxième épisode, oui, d'Agrippine. J'adore oh là là, c'est trop bien, déjà hier, c'était trop bien l'épisode 1. Ouais. Et il est adapté encore par Christelle Jamser, celui-là aussi. Mmh. Elle est formidable. Et toujours avec cette magnifique Annie Zemberger. Oui, Carole Franck, Guillaume Youf de Tonquédec. Ouais. Oui, Igor Medzinski. Rosine Favet. Oui, Teresa Ovidio. Benedict Cellutti. Olivier Clavry. Catherine Goffin. Ouais, oui, Christine Arménie, Frédéric Cantrel. Et Guillaume Clémenceau. Tout à fait. L'intégrale d'Agrippine est publiée aux éditions... Ah ben, tu sais quoi? Aux éditions Bretéché. Voilà. Et qui c'est qui a fait tout ça? Mais c'est qui l'a enregistré, qui l'a fait le bruitage? Eh ben c'est Sophie Lisante. Oui. La prise de son et le montage et le mixage, il y avait... Éric Boissé et puis Émilie Couette. Couette. Et l'assistante à la réalisation. Ah, c'est Clémence Grosse. Ben oui. Et le réalisateur, Cédric Ossier. Cédric Ossier.